entreprises d'énergie portugaises. 25% pour l'une d'entre elles, et sachant que l'énergie est une infrastructure critique en fait. Donc, combiner cela avec l'acquisition des ports, par exemple, peut devenir assez inquiétant assez vite. Et j'en profite pour nous en faire revenir à l'Union européenne, puisque c'est justement pour cette raison que l'Union européenne a mis en place maintenant, en début 2019, un, et je cite, « outil européen de filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité et d'ordre public, et donc avec une spéciale attention portée au secteur stratégique ». Merci beaucoup, Carolina, pour l'encart sur le Portugal. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, ce sera un sujet à suivre parce que les relations commerciales, financières et économiques entre l'Europe et la Chine ne sont qu'à leur début. Et il sera intéressant de voir quelle position l'Union européenne décidera d'avoir. Est-ce qu'elle conservera cette position d'équilibre entre partenaires et concurrents, ou est-ce qu'elle décidera de rejoindre les États-Unis dans leur guerre économique, ou au contraire de lâcher les États-Unis pour aller complètement avec la Chine? Rien n'est impossible, il y a quand même des scénarios qui sont plus probables que d'autres, mais gardons ça à l'œil parce que c'est très important pour nos économies évidemment, mais pour la question des indépendances nationale et de l'indépendance de l'Europe. Alors, maintenant pour cette partie, c'est toi, Océane, qui va nous parler d'un sujet, puisque, comme tu l'avais déjà dit, à cause de petits problèmes techniques, on n'a pas pu avoir notre invité ce mois-ci. C'est pas grave, on vous fera patienter un petit peu plus sur le sujet passionnant qu'il nous présentera le mois prochain. Mais donc là, Océane, tu vas nous parler de la simulation nucléaire pour faire une sorte de petite continuation de ce dont tu nous avais parlé au tout premier épisode. Exactement, j'avais parlé des essais nucléaires dans notre épisode pilote que vous n'avez probablement pas entendu. Et vu la qualité du son, c'est pas très grave. Et même si je suis déçue qu'on n'ait pas notre invité ce mois-ci, moi je suis toujours partante pour parler nucléaire et surtout je prends l'occasion de vous parler de simulation nucléaire. Alors, je vais revenir sur deux ou trois bases parce qu'un rappel ça fait jamais de mal. Et j'allais dire vous me coupez si vous connaissez, mais en fait vous m'entendez après que j'ai enregistré, donc ce ne sera pas possible. Désolée pour ça. Donc la dissuasion nucléaire, ça repose sur trois piliers. La crédibilité politique, qui s'obtient et qui se cultive à travers des discours, des comportements, des perceptions, des personnalités, des dirigeants politiques. Il y a aussi la crédibilité technique, qui repose sur l'excellence des scientifiques, des ingénieurs et des industriels, via la construction des armes nucléaires, de leurs vecteurs, et du savoir-faire expérimental du CEA, donc Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, je reviendrai sur ce CEA, et la crédibilité opérationnelle qui se démontre par les armées au travers d'exercices et de démonstrations régulières. Par exemple, faire voler en rafale, ça participe de la crédibilité opérationnelle de la dissuasion nucléaire. Et aujourd'hui, moi je vais vous parler de la crédibilité technique, parce que la simulation nucléaire, c'est bien une composante qui permet la crédibilité technique de la dissuasion nucléaire française. Alors, c'est quoi la simulation nucléaire? Eh bien, je vais revenir très rapidement sur la question des essais, qu'on va vite évacuer parce que j'en ai déjà parlé, mais je vous donnerai des références pour tout savoir sur les essais dans la description. Entre 1960, date de notre premier essai nucléaire, et 1996, les présidents de la République française lançaient régulièrement des campagnes d'essais nucléaires pour prouver au monde, mais se prouver également à eux-mêmes, que leur arsenal nucléaire fonctionnait. Une explosion atomique ou thermonucléaire dans le désert du Sahara ou sur l'atoll de Mururoa, par exemple, c'était la preuve que le pilier technique de la dissuasion était solide, donc on pouvait compter sur nos bombes nucléaires. Mais depuis 1996, la France n'a mené aucun essai nucléaire. La dissuasion nucléaire, on ne peut pas vraiment passer de la crédibilité technique. Si on n'est pas sûr que les bombes marchent, on va pas. La dissuasion est bancale. Donc, comment faire sans essai? Eh bien, on a décidé de créer un programme de simulation des essais. Alors, dans la pratique, ça signifie que la confiance du président dans les capacités techniques des têtes nucléaires qu'il a à sa disposition repose exclusivement sur le programme de simulation, dont les résultats est garanti par le directeur des applications militaires du CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les essais nucléaires, donc jusque 1996, ça donnait un rythme, des objectifs et des moyens à la direction des applications militaires du CEA qui était en charge de produire, de tester les têtes nucléaires avant de les remettre aux armées, puis de les démanteler à la fin de leur vie. Alors, j'ai dit que la simulation, ça avait remplacé les essais nucléaires, mais la simulation, c'est pas venu après, en termes chronologiques. La simulation numérique, ce qu'on appelle simulation numérique, basiquement, ça a été créé pour le projet Manhattan, donc à partir de 1942, afin de soutenir la recherche nucléaire américaine. La simulation permettait de compléter les essais et elle faisait partie intégrante des programmes nucléaires américains, britanniques, français, soviétiques également. Je ne saurais pas vous dire pour la Chine, c'est un peu plus obscur, mais j'imagine que oui. La simulation, c'est donc fondamentalement lié à la bombe atomique, même si le principe de simulation s'est développé dans beaucoup d'autres domaines depuis. Par exemple, on utilise des programmes de simulation pour savoir quel temps il va faire, météorologique. Voilà, c'est plus uniquement lié à la bombe, mais l'histoire est quand même commune. En mettant en œuvre des modèles théoriques, ça permet de déterminer des variables qui vont impacter un phénomène physique et de prédire son évolution. En gros, l'intérêt de la simulation à cette époque-là, c'était d'éviter les risques d'une expérience en le faisant numériquement d'abord, et puis de limiter son coût, pour éviter de se rater plein de fois sans savoir pourquoi. Alors, depuis sa création en 1945, le CEA utilise des moyens de simulation afin de développer des armes nucléaires, de les pérenniser et de les faire évoluer. Avec les limitations progressives puis les interdictions des essais nucléaires, les simulations numériques, qui étaient déjà importantes et qui étaient déjà un enjeu stratégique, ben finalement vont prendre une place encore plus importante dans ce pilier technique de la dissuasion. Le CEA commence à entreprendre les premières réflexions d'un programme de simulation donc, plus important que ce qu'il y avait avant à partir de 1989 à peu près. Alors, ce qu'on appelle le programme de simulation, alors là, vous l'entendez pas, mais il y a un S majuscule, donc le programme simulation, appelons-le comme ça, donc du CEA, c'est le programme de simulation des essais nucléaires, hein, ils se sont pas foulés sur le nom. Il a été lancé en 1996, et il, je cite, « vise à reproduire par le calcul les différentes phases de fonctionnement d'une arme nucléaire pour garantir ses performances sans avoir à recourir à un nouvel essai nucléaire ». Donc, en gros, il s'agit de garantir, sans essai nucléaire, la fiabilité et la sûreté des armes nucléaires. Donc ça se fait globalement avec en trois phases. Alors déjà, c'est la réalisation d'études, des modélisations physiques, pour comprendre les phénomènes physiques qui interviennent dans le fonctionnement d'une tête nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est beaucoup trop compliqué et pour vous et pour moi. La deuxième étape de la simulation, c'est la simulation numérique, qui permet de mettre en œuvre des codes de calcul et qui est effectuée grâce à des supercalculateurs. Alors les supercalculateurs, ce sont de très gros ordinateurs, très très très très gros. Aujourd'hui, on a un ordinateur qui s'appelle Tera, donc le CEA le possède, qui fait environ 20 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc un truc bien puissant, et on va bientôt passer à l'hexaflop, ce qui est 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Il faut savoir que sans ce genre de supercalculateur, la simulation n'existerait pas et ne pourrait pas être mise en œuvre tout simplement, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. La dernière phase donc, de la simulation, c'est la validation expérimentale. Donc c'est des expériences en laboratoire qui valident par partie les hypothèses qui ont été développées dans la première étape. Elles s'appuient sur deux types de machines, le laser mégajoule, qu'on appelle souvent le LMJ, et des machines radiographiques. Le laser mégajoule, c'est un très très gros laser qui a pour but de vérifier les hypothèses qui ont été donc théorisées en première partie du processus de simulation, pour ensuite pouvoir les confirmer et les appliquer aux armes nucléaires. Les machines radiographiques, ben, ce sont des très très grosses radios, comme quand vous allez chez le médecin, mais beaucoup plus puissants, il faudrait éviter de passer devant. La simulation, donc c'est important pour valider les armes, c'est-à-dire que avec des petites modifications, ces trois étapes, c'est vraiment important, et bon, là je suis entrée un peu dans les détails techniques, mais c'est important pour vérifier que l'arme fonctionne toujours. Il y a toujours des adaptations dans les armes, que ce soit le type de matériau utilisé, un changement de vecteur, est-ce qu'on a envie que l'arme parte plus loin ou parte plus vite ? Eh bien, selon ces petites modifications, on va devoir adapter l'arme nucléaire. Et avant, pour vérifier qu'elle s'adaptait bien, ben, on la faisait exploser dans un essai. Comme il n'y a plus d'essai, on vérifie tout ça par simulation. Donc, on a besoin de savoir si l'arme va être capable de s'adapter aux changements mineurs qu'on veut lui faire. La simulation, c'est aussi important parce que ça permet de former les nouvelles générations de physiciens qui n'ont jamais réalisé d'essais. Les nouveaux physiciens aujourd'hui n'ont jamais été sur des campagnes d'essais. Et ça leur permet d'acquérir quand même les connaissances relatives au fonctionnement des armes, qui est indispensable à la transmission des savoirs et donc à la conservation de la crédibilité de la dissuasion nucléaire. On a besoin de scientifiques qui savent comment faire. C'est vrai que ça peut vite venir très technique, mais c'est impressionnant en fait. Et sinon, est-ce que tu arrives à me dire jusqu'à quel point ces simulations sont fiables, proches de la réalité ? Est-ce qu'il y a une sorte de taux, par exemple, par rapport aux simulations réelles, physiques ? Eh bien, la simulation est extrêmement fiable, parce que c'est quand même l'objectif. Et effectivement, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on a fait pour que ce soit très fiable ? Eh bien, tout simplement, lors de chaque essai nucléaire qu'on a fait, surtout les derniers, surtout la dernière vague d'essais qu'on a fait en 1995-96, sous Chirac donc, il y a toujours eu des données recueillies, qui ont été recueillies sur plein de choses différentes, lors de chaque essai nucléaire. Toutes ces données ont été évidemment conservées. Le programme simulation s'appuie sur chaque résultat et chaque donnée qui a été observée et enregistrée lors des essais nucléaires précédents pour comprendre comment se passe un essai nucléaire et vérifier que la simulation correspond bien à la réalité du terrain. On a fait 210 essais nucléaires. Bon, on va peut-être... Il y a des données pour tous ces essais nucléaires, mais clairement, ce sont les 6 derniers qui ont été les plus forts en données. Et donc c'est grâce à toutes ces données et tous ces essais qui ont été réalisés auparavant qu'on peut faire un système de simulation fiable. Je pense pas que ce soit possible de créer un programme de simulation qui fonctionne parfaitement et dont on soit parfaitement sûr si on n'a pas les données de précédents essais nucléaires qui ont été réalisés par nous ou par d'autres d'ailleurs. Mais alors, enfin, les derniers essais nucléaires ont été faits il y a quelques années quand même. Ça ne change rien par rapport à la modernisation des choses, etc., puisque c'est tout basé sur les essais déjà effectués. Alors la modernisation, elle est forcément partielle. Et la France, en 1996, donc, s'est engagée à ne plus jamais faire de campagne d'essais nucléaires et a signé et ratifié un traité qui s'appelle le traité d'interdiction des essais nucléaires, a démantelé toutes ses installations d'essais nucléaires, notamment la plus connue, c'est-à-dire celle dans le Pacifique, et a même arrêté de produire des matières fissiles pour les armes nucléaires. Donc la France s'est engagée sur le chemin de non-retour. On ne peut plus faire d'essais nucléaires aujourd'hui. Et effectivement, on pourrait se dire, par rapport à la modernisation, eh ben, on a accepté que la modernisation ne serait que partielle. C'est-à-dire que en acceptant d'arrêter ses essais nucléaires, la France a accepté qu'elle ne ferait que des modernisations mineures, des petites modifications, que la simulation serait capable de valider, mais que, en gros, on ne peut pas réinventer une nouvelle bombe H. On ne peut plus faire d'essais, donc ce n'est pas possible. Sur cette question des essais nucléaires, la France, c'est le seul pays qui allait aussi loin dans son... dans son arrêt des essais nucléaires, parce que même si les États-Unis ou la Chine n'en ont pas fait pareil, eux, depuis les années 90, ils n'ont pas signé et ou ratifié le traité d'interdiction des essais nucléaires, et ils possèdent toujours des centres d'essais qu'ils n'utilisent pas, mais qui seraient prêts à fonctionner. Donc en ça, la France a... Alors, on ne peut pas dire que ce soit avant les contestations, mais a plus ou moins a répondu aux contestations contre les armes nucléaires en disant bah, « Nous, on s'engage à plus en créer de fondamentalement nouvelles. » Donc la modernisation est forcément limitée, et la création de vecteurs pour les armes nucléaires doit forcément prendre en compte le fait que l'arme ne peut pas vraiment évoluer. Alors d'ailleurs, la simulation a déjà donné des résultats, c'est-à-dire qu'elle a permis de concevoir la nouvelle, enfin la nouvelle, plus si nouvelle que ça maintenant, la tête nucléaire aéroportée, la TNA, qui est une ogive nucléaire de 300 kilotonnes, qui équipe les forces aériennes stratégiques depuis 2009. C'est la première tête nucléaire au monde à être garantie uniquement par la simulation. Ensuite, il y a la tête nucléaire océanique, qui donc équipe nos sous-marins, qui a été conçue et garantie, pareil, par la simulation. Là-dessus, la France a une position assez particulière de pionnier, alors non pas dans le programme de simulation, puisque les États-Unis étaient... enfin, ont clairement une avance sur nous, mais on fait partie des leaders de la simulation grâce au nucléaire, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la simulation qui a donc remplacé les essais dans les faits, en termes de crédibilité technique de la dissuasion, bah, elle a aussi remplacé les essais dans les discours. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que les essais, ça prouvait la capacité de la France à avoir des bombes nucléaires crédibles. Ça la prouve aussi parce que les présidents et les ministres de la Défense et les chefs d'état-major en parlaient et pour mettre leur propre crédibilité en jeu sur la réussite de ces essais nucléaires. En 1958, le général de Gaulle soutenait, lors d'une conférence de presse, l'importance des essais nucléaires pour la France, en refus à toute infériorité chronique et gigantesque par rapport aux États-Unis. Les essais nucléaires, c'est quelque chose qui est souvent évoqué dans les discours. Alors, évidemment, beaucoup, entre 1992 et 1996, parce qu'il y a eu un moratoire sur les essais nucléaires, puis une reprise des essais nucléaires sur Jacques Chirac, donc ça fait vraiment beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup d'interventions sur la question. Mais sur le point de vue stratégique, ça a quand même été très présent. Le dernier livre blanc français, qui est sorti en 2013, ne cite qu'une seule fois le programme simulation, lorsqu'il détaille les composantes de la défense nucléaire océanique et aéroportée, en déclarant que les capacités de simulation dont la France s'est dotée après l'arrêt de ses essais nucléaires assurent la fiabilité et la sûreté des armes nucléaires. C'est un fait qui n'est pas vraiment discuté. Alors, depuis qu'il y a la simulation, la communication sur la crédibilité technique de la dissuasion, elle est partagée entre, d'un côté, le président et un petit peu la ministre de la Défense. Je vous invite à aller regarder le discours de François Hollande de 2015, d'ailleurs, à ce sujet. Et évidemment, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, qui ouvre de temps en temps certains de ses centres pour des visites. Alors à des homologues anglo-saxons par exemple, mais également à des civils, comme j'ai eu l'occasion de le faire en visitant le laser mégajoule. Il ne faut pas négliger l'importance de la communication et de qui communique quand on parle de dissuasion nucléaire, parce que la dissuasion nucléaire, c'est quelque chose qui est finalement dans la tête de ceux qui la pratiquent. La communication est un élément qui est extrêmement important et elle participe de la crédibilité politique de la dissuasion nucléaire. Donc savoir qui parle et qui communique, qui garantit, c'est extrêmement important. D'où mon petit encart sur le CEA. Le CEA qui aurait pu perdre de l'influence lorsque les essais nucléaires se sont arrêtés, parce que c'était quand même une grosse part de leur activité, à profiter de la simulation nucléaire pour justement en gagner et prendre du poids dans la prise de décision politique nucléaire française. Donc aujourd'hui, c'est bien le CEA, à travers sa direction des applications militaires, qui conçoit les têtes nucléaires, qui les produit, qui les maintient en condition opérationnelle et qui les démantèle. Donc elle est présente à chaque étape de la vie des têtes. Et depuis 2009, cette direction des applications militaires du CEA siège officiellement au Conseil des armements nucléaires et donc fait partie intégrante du processus décisionnel politique nucléaire français. Ce qui est intéressant de voir, c'est que avec la fin des essais, on a vu une reconfiguration et une nouvelle répartition du pouvoir, de l'influence des acteurs dans la politique nucléaire française au profit du CEA et finalement avec un recul qui n'est pas énorme mais qui est quand même notable des armées en ce qui concerne la mise en œuvre des essais, parce que même si c'était le CEA qui les préparait, c'était bien les armées qui le faisaient, et l'armée de terre a perdu en 1996 sa seule composante pré-stratégique. Donc voilà, on a vu une reconfiguration, et finalement la simulation, elle n'a pas provoqué un changement en soi de la politique, mais elle était une part du changement de position politique française sur le nucléaire en général, sur la non-prolifération en particulier, et aussi sur les essais nucléaires. Et sinon, il y a aussi d'autres pays qui font de la simulation. Est-ce que tu connais un peu comment ça se passe pour ces autres pays ? Pour leur programme de simulation ? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous parler des États-Unis et du Royaume-Uni. Non pas que ce soit les deux seuls pays qui font de la simulation, mais parce que j'ai personnellement très peu d'informations sur les autres. Donc, je ne vais pas me risquer à en parler. Mais aux États-Unis, donc après un moratoire sur les essais qui a été instauré en 92 et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, il y a le programme Stockpile Stewardship Program, donc SSP, qui a été mis en place. Donc l'ambition de ce programme est similaire à l'ambition française, c'est-à-dire maintenir la crédibilité et la sûreté de l'arsenal nucléaire sans faire d'essais. Ils ont des grands outils de simulation qui sont semblables aux outils français. Donc un laser, comme notre laser mégajoule, mais qui s'appelle le National Ignition Facility, à Livermore. Ils ont un super calculateur qui s'appelle Sequoia et pas Terra. Donc voilà, ils ont des procédures qui sont relativement similaires. Néanmoins, c'est ce que je disais tout à l'heure, les États-Unis n'ont pas irrémédiablement tourné la page des essais nucléaires. Bien qu'ils aient signé le traité d'interdiction des essais, ils ne l'ont jamais ratifié. Le Congrès a fait blocage. Et c'est en partie à cause d'eux que le traité d'ailleurs n'est pas encore entré en vigueur. En plus de ça, les États-Unis n'ont pas démantelé leur site d'essai nucléaire dans la dernière Nuclear Posture Review, l'administration Trump affirme clairement que le pays ne cherche pas à ratifier le traité et il rappelle qu'il y a toujours une possibilité de reprise des essais si ça s'avère nécessaire pour assurer la sécurité et les capacités de l'arsenal nucléaire. Il y a même plusieurs voix aux États-Unis qui s'élèvent pour une reprise des essais, qui serait selon eux essentielle à la dissuasion nucléaire. Du coup, j'imagine que, comme tu l'as évoqué, leur objectif est de créer de nouvelles armes, raison pour laquelle, pour les États-Unis, il est nécessaire d'avoir donc des essais physiques réels, contrairement à la France, par rapport à ce que tu as expliqué plus tôt, qui peuvent juste se baser sur ce qui a déjà été fait. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable objectif de la part des États-Unis de créer de nouvelles armes, même si on parle d'un retour des armes nucléaires tactiques, ce qui ne serait pas en soi de nouvelles armes pour les États-Unis, ils en ont déjà eu. Et le fait qu'ils se soient laissés ouverts la possibilité de reprendre les essais ne veut pas dire qu'ils vont les reprendre. Honnêtement, je pense que cette remarque dans la NPR, c'était à destination de la Chine, à destination des puissances qui continuent à produire des armes nucléaires et qui augmentent leur arsenal. Mais ils pourraient, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de reprendre les essais nucléaires. Après, c'est pas du tout leur politique et leur stratégie aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire par rapport aux États-Unis comparé à la France, c'est qu'ils se sont laissés l'opportunité de. Donc ça veut dire que pour eux, le retour en arrière est possible, alors que la France, ça ne l'est plus. On a une politique qui est assez différente là-dessus. Alors certes, il y a une question de moyens, maintenir un centre d'essai en état de fonctionner sans l'utiliser, ben, ça coûte cher, clairement. Mais c'est aussi une question de posture politique, tout simplement. Et ce qui est assez contradictoire, en fait, avec les États-Unis, c'est que, bon, ils n'ont pas ratifié le traité d'interdiction des essais nucléaires, au cas où, mais c'est le pays qui soutient financièrement le plus l'organisation du traité d'interdiction des essais nucléaires. Et il a appelé tous les pays dotés d'armes nucléaires à appliquer le moratoire qu'eux-mêmes appliquent depuis 1992. Le Royaume-Uni a une position qui est encore différente de celle des États-Unis et de la France, et c'est assez intéressant parce que souvent le Royaume-Uni est quand même dans la lignée précise des États-Unis. Alors, parce que depuis la signature de l'accord de Québec de 1943, il y a une relation privilégiée qui s'est établie entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Elle a abouti à une certaine dépendance stratégique de la Grande-Bretagne envers son allié. Et le Royaume-Uni respecte un moratoire sur les essais nucléaires depuis fin 1991, parce que même si elle voulait ne pas le respecter, elle n'a pas le choix, vu qu'elle dépend des centres d'essais américains. Mais le Royaume-Uni, donc, qui est très très proche des États-Unis sur cette question, et uniquement des États-Unis, je ne reviendrai pas sur cette histoire en particulier, mais si ça vous intéresse, les relations tripartites entre France, États-Unis, Royaume-Uni sur la question nucléaire, je vous conseille de lire ce qu'écrit Frédéric Glorian, parenthèse fermée. Et ben en 1995, il y a eu la déclaration de Chequers qui a permis un rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne et qui ont attesté leur volonté de ratifier le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, ce que le Royaume-Uni a fait d'ailleurs. Donc ayant effectivement ratifié le traité, ils sont allés plus loin que leurs alliés américains. Donc le fait qu'ils n'aient pas accès à des bases d'essais, ben, finalement ça sert à rien vu qu'ils ont ratifié le traité. Et cette prise de position donc, qui se rapproche un peu plus de la France, ça a permis un nouveau rapprochement. En 2010, David Cameron et Nicolas Sarkozy ont signé le traité de Lancaster House, qui institue une collaboration franco-britannique dans la défense, mais notamment dans le domaine de la simulation nucléaire. Alors si pour le Royaume-Uni, le passage à la simulation a été impulsé forcément par les États-Unis, ben, les accords de Lancaster House, ben, c'est la preuve d'un intérêt, même relatif, à une diversification des partenariats stratégiques nucléaires anglais. Donc, même si la simulation, c'est pas un changement de... Ça vient pas dans un changement de politique aussi... aussi important que ce que c'est en France, on voit quand même qu'au Royaume-Uni, il y a une volonté d'ouvrir un petit peu les options. Et d'ailleurs, nos coopérations dans le domaine de la simulation se fait sur une des machines dont je vous ai parlé au départ, les machines radiographiques qu'on appelle épures. Et donc, on travaille sur les mêmes machines dans un centre en France et dans un centre au Royaume-Uni. Donc voilà, je vous ai dressé un portrait de la simulation et j'espère que je vous ai pas trop perdu dans mes explications parce que même si ça m'intéresse beaucoup, c'est assez compliqué d'en parler sans plutôt que de l'écrire en fait. Ce qui est intéressant sur cette question de la simulation, c'est que ça a été beaucoup discuté et c'est toujours beaucoup discuté dans les instances internationales dans lesquelles on parle de l'avenir du nucléaire. C'est-à-dire que pour le traité d'interdiction des essais nucléaires, on s'est posé la question de est-ce qu'on interdit aussi la simulation nucléaire ? Alors évidemment, tous les pays qui possédaient des armes nucléaires ont été contre, et finalement, la simulation n'est pas évoquée et n'est pas interdite par ce traité. Mais... ça l'est, pas littéralement, mais ça l'est par le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été voté, dont le texte a été voté à l'Assemblée générale de l'ONU en 2017, et qui donc a pour volonté d'interdire les armes nucléaires tout court. Traité n'a pas été signé par aucune des puissances qui possèdent une arme nucléaire, et pas non plus par la plupart de leurs alliés protégés par un parapluie nucléaire. Par exemple, le Japon refuse de signer ça, parce que les armes nucléaires protègent son territoire contre plusieurs concurrents ou ennemis, dont la Corée du Nord. Donc, il y a beaucoup de questions qui se sont posées par rapport à la simulation, et il y a beaucoup de questions qui se posent toujours aujourd'hui par rapport aux essais. C'est-à-dire que les essais nucléaires, ben, il y en a toujours. Enfin, le dernier, ça remonte à 2017, mais c'est pas si vieux que ça. Et interdire les essais nucléaires, eh bien, c'est ce que je vous disais, le traité n'est toujours pas entré en vigueur, malgré le fait que la simulation n'ait pas été intégrée dans ce traité. Et on a aujourd'hui un retour de ce sujet, des essais nucléaires sur la scène internationale, parce que c'est aussi un moyen pour les pays dotés de l'arme nucléaire de montrer une avancée, une capacité à écouter les revendications antinucléaires sans pour autant se débarrasser maintenant, tout de suite, de leurs armes nucléaires, comme le demande expressément le traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc il y a beaucoup de débats qui se passent en ce moment. En 2020, donc l'année prochaine, il y aura la nouvelle conférence d'examen du TNP, donc du traité de non-prolifération nucléaire. C'est une conférence qui a lieu tous les 5 ans, et dans laquelle tous les États qui ont signé le TNP s'y réunissent pour parler de l'avancée des 3 points fondateurs du TNP, c'est-à-dire le nucléaire civil, la non-prolifération et le désarmement. Et il y a tout à parier que la question des essais nucléaires et peut-être la question de la simulation sera évoquée, notamment par la question, notamment par les États antinucléaires, mais pas que. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pense que j'en ai assez fait. Et donc vous trouverez en biographie, quelques références qui sont assez intéressantes sur la question de la simulation, mais aussi sur la dissuasion nucléaire en général. Merci Océane, c'est vrai que c'est pas un sujet facile, mais c'est un sujet extrêmement intéressant, notamment pour moi qui c'est loin d'être ma spécialité. Et puis bon, on espère que ce grand dossier qui est arrivé finalement très très tard dans notre programme vous aura quand même plu, et on vous retrouve le mois prochain pour le grand dossier que nous attendons donc tous avec grande impatience, et nous aurons réglé nos problèmes techniques d'ici là. On voulait vous remercier de nous suivre et de nous écouter tous les mois un petit peu plus nombreux. C'est déjà l'épisode 6 et on est très contentes de continuer l'aventure avec vous. Donc, comme la dernière fois, n'hésitez pas, si vous avez des sujets dont vous aimeriez nous entendre parler ou dont vous aimeriez vous-même parler, on est toujours à l'écoute et on sera ravis de vous inviter.